j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. C'est le 24e jour du confinement, et si tu ne sais pas quoi regarder ce soir, ça tombe bien car je te conseille Boulevard de la Mort de Quentin Tarantino. He's got style. Do I frighten you? This is my scar. It's your car. And he's got a set of wheels. Is it safe? Oh, it's better than safe. It's death proof. To die for. Well, Pam, which way are you going? Left or right? Right. That's too bad. Why? Well, because it was a 50-50 shot on whether you'd be going left or right. But since you're going the other way, I'm afraid you're gonna have to start getting scared. Tout le monde connaît Quentin Tarantino, voilà, le réalisateur de Pulp Fiction, de Django Unchained, plus récemment de Once Upon a Time in Hollywood, voilà, que des gros films, à moins que Boulevard de la Mort. Voilà. C'est-à-dire que pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode sur Boulevard de la Mort, c'est parce que je voulais le faire sur un Tarantino, mais je me suis dit que j'allais pas conseiller Once Upon a Time in Hollywood ou un autre film, parce que Boulevard de la Mort, on n'en parle pas assez, je trouve. C'est-à-dire que Tarantino a fait énormément de films dans sa carrière, tous acclamés, sauf Jackie Brown et Boulevard de la Mort. Et je ne comprends pas pourquoi. Surtout que Boulevard de la Mort, c'est peut-être une unpopular opinion, mais Boulevard de la Mort est un de mes Tarantino préférés, voilà. Il faut savoir que Tarantino est mon réalisateur préféré, et Boulevard de la Mort, tout simplement, c'est un des films qui lui correspond le plus. C'est un des films où il s'est le plus fait kiffer, et donc, comme c'est mon réalisateur préféré, s'il s'est fait kiffer, eh ben, j'ai kiffé, voilà, tout simplement. Il faut savoir que j'hésite, je ne sais pas quel est mon Tarantino préféré, j'hésite, j'ai vu évidemment toute sa filmographie, mais j'hésite entre Reservoir Dogs, Boulevard de la Mort et Once Upon a Time in Hollywood. Oui, c'est les films où il s'est le plus fait kiffer, voilà. Mais j'y peux rien, j'aime beaucoup trop ce réalisateur, son style, enfin voilà. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu mal de me dire que le prochain Tarantino qui va sortir, ce sera son dernier, quoi. Ouais, je suis pas prêt. Je suis clairement pas prêt. Vraiment pas prêt. Alors, faut savoir que Boulevard de la Mort, il est sorti à l'époque dans un double programme qui s'appelle Grindhouse. C'est un double programme avec dedans Quentin Tarantino qui fait Boulevard de la Mort et Robert Rodriguez qui fait Planète Terreur. Alors les deux avaient déjà travaillé ensemble. Je pense à Une Nuit en Enfer. Où les deux, enfin où Tarantino est acteur et où Robert Rodriguez a réalisé le film. Et du coup, j'ai pas vu Planète Terreur, faudrait que je le voie, mais Boulevard de la Mort, pour le coup, est un excellent film, voilà. Boulevard de la Mort, ça raconte l'histoire d'un groupe de copines qui va sortir, voilà, à la tombée de la nuit, qui va faire un espèce de mini road trip au début pour aller dans un bar. Puis ils vont rencontrer un monsieur qui s'appelle Stuntman Mike, qui est joué par Kurt Russell, et qui a une voiture et qui aime bien tuer des filles, quoi. Voilà, c'est ça l'amuse globalement. Il aime bien suivre des filles et les tuer. Il trouve ça drôle. Elles vont passer un sale quart d'heure. Elles vont passer un sale quart d'heure. Alors, quand je dis ça, on dirait totalement que je parle d'un film d'horreur. C'est pas un film d'horreur. C'est clairement pas un film d'horreur. Ça peut être considéré comme un film d'horreur, je dirais plus un thriller d'action. Quand je dis ça, on dirait que je parle d'un film avec Jason Statham ou une connerie dans le genre. C'est pas du tout le cas, mais bref, pour moi, c'est plus un thriller. Et le film est construit en deux parties. Et en fait, à chaque partie, on découvre le fil conducteur, c'est la voiture. La voiture du tueur de Mike. Mais le groupe de filles qui poursuit, il est différent. Et vous verrez que ça a quand même un vrai intérêt, puisqu'il ne va pas arriver la même chose aux deux groupes de filles. Voilà, il y a un groupe qui va plus ou moins prendre cher, et il y a un groupe qui va plus ou moins s'en sortir. Voilà, sans trop de spoil et de contexte, mais voilà. Et c'est formidable. Et c'est formidable. Parce que c'est un hommage au film d'exploitation que Tarantino aime beaucoup. Et on sent qu'il se fait vraiment, vraiment, vraiment kiffer. Une des grosses critiques qui est faite à Tarantino, c'est putain, mais ces scènes de dialogue, c'est beaucoup trop long. Si vous pensez ça de Quentin Tarantino, ne regardez pas Boulevard de la Mort. Parce que Boulevard de la Mort, c'est exactement ça. C'est du gros putain de dialogue. Il y a des scènes énormes où juste ça parle, ça parle, ça parle. Pendant, par exemple, quand le premier groupe est dans la voiture et qu'il se dirige vers un bar, c'est exactement ça. C'est du dialogue et ça parle jusqu'à ce qu'ils arrivent au bar, mais c'est juste ça parle, c'est tout. Et c'est génial, j'adore ces scènes de dialogue chez Tarantino. La scène du bar, s'il n'y avait pas la scène de la voiture derrière, c'est le meilleur moment du film. Voilà. La scène du bar, on retrouve Quentin Tarantino lui-même qui se donne un rôle. Qui se donne un rôle et qui se donne un putain de rôle. Parce que oui, le rôle de Tarantino, c'est le meilleur du film. Je ne veux rien savoir. Le rôle de Tarantino en Warren, le barman, c'est le meilleur du film. Et d'ailleurs, une petite anecdote qui est marrante, c'est que, genre, bah, il les faisait boire et tout, parce que bah, dans le film, ils doivent boire. À chaque fois, il disait, non, mais venez, on la retourne, on la retourne, on la retourne. Et en fait, c'était juste parce qu'il voulait se bourrer la gueule, tout simplement. Il voulait pas du tout. Enfin, c'était pas tellement artistique. Il voulait juste se bourrer la gueule. C'est pour ça qu'il disait tout le temps à ses actrices, non, mais venez, on la retourne, ça coûte rien et tout. Et au final, il se bourrait la gueule, voilà. Donc, j'ai trouvé ça très drôle. Ça correspond parfaitement au personnage. En parlant de l'artistique, bah, voilà, ce film, c'est pas un film où Tarantino s'est dit. Ok, je vais essayer de faire ce que j'aime tout en essayant de toucher un grand public. Là, c'est vraiment, il s'est dit, ok, je me fais kiffer, ça marche, tant mieux, ça marche pas, j'en ai rien à foutre. Voilà, tout simplement, ni plus ni moins. Et c'est un régal. C'est un régal. Franchement, c'est en fait c'est le cinéma Tarantino, c'est-à-dire qu'on commence avec des énormes scènes de dialogue qui peuvent paraître un peu longues. Bon, voilà, faut aimer Tarantino. La tension qui monte petit à petit, on sent la tension qui monte, et puis ça explose dans une extrême violence, mais waouh, l'affrontement entre Mike et le premier groupe de filles. Waouh, la violence est incroyable, c'est limite jouissif en fait, tellement on la désire cette violence, on l'a tellement attendue en fait, vraiment, on l'a tellement attendue que c'est presque jouissif, on la savoure presque en fait. Et c'est un peu horrible parce que techniquement, ce qui leur arrive, bah, c'est horrible, elles se font totalement défoncer quoi, genre vraiment défoncer la gueule. Il y en a une, c'est au sens propre, il y en a une, c'est vraiment au sens propre, défoncer la gueule totalement. C'est du Tarantino tout craché, c'est du Tarantino tout craché, c'est tension, violence, dialogue. Voilà, on peut pas faire plus Tarantino. Si vous l'avez pas vu, je vous redirige aussi vers la très bonne vidéo d'In the Panda où il fait en gros, c'est un peu un documentaire de 1h50, si je dis pas de conneries, si je dis pas de conneries. Où il dit, enfin où il essaie de savoir si Tarantino est surcoté ou non. Et donc, bah, il dit tout simplement que c'est le film ultra Tarantino. Et c'est vrai, c'est vrai. Il dit, non, on peut pas nier, c'est totalement vrai. Boulevard de la Mort, c'est le film ultra Tarantino, c'est le film où il se fait kiffer. C'est le film où bah, il se donne un vrai rôle, c'est le plus gros rôle qu'il s'est donné dans tous ses films. Si on enlève Reservoir Dogs, et encore je pense qu'il apparaît plus à l'écran dans Boulevard de la Mort que dans Reservoir Dogs. Et voilà, et c'est absolument formidable, il se permet des petits kiffs personnels, genre la première partie s'est tournée en pellicule. Du coup, il se permet des petits sauts de pellicule volontaires. Peut-être que la deuxième partie aussi est tournée en pellicule, mais ça se remarque moins. Ça se remarque moins, vous avez vraiment remarqué sur la première partie. Moi, je pense que c'est volontaire. Je pense que c'est volontaire qu'il y ait une démarcation entre les deux parties. Mais vraiment, c'est surtout au niveau de la première partie où il se fait kiffer. Et c'est jouissif. Après, la deuxième partie a un vrai intérêt parce qu'on retrouve Zoé Bell, notamment, qui était la doublure cascade d'Uma Thurman dans Kill Bill. Et à qui Tarantino est venu le voir en disant bah, j'ai un rôle pour toi. Il dit, mais un rôle, c'est-à-dire bah, un rôle. Hein. Et il lui dit, mais je ne suis pas actrice. Du coup, si ça foire, mais t'inquiète, ça foirera pas. Ok, mais par contre, c'est ta faute si ça foire. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Et heureusement qu'il lui a filé le rôle. Et la scène Il y a une scène où elle est sur le capot d'une voiture et pour se maintenir sur ce capot, elle a juste deux ceintures qui sont accrochées. Zoé Bell, c'est vraiment quelqu'un de très important. C'est fou, cette cascade est folle. Quelqu'un qu'il faut découvrir à Hollywood parce que bah déjà, très très bonne cascadeuse et puis même par la suite, bah voilà, c'était une très bonne actrice. Alors, c'est la première fois que le rôle de la photographie est assuré par Quentin Tarantino lui-même. Et franchement, c'est plutôt cool. Franchement, il s'en sort très très bien, Quentin Tarantino. Et voilà, enfin franchement, c'est un film où vous avez passé un bon moment. C'est plutôt détente. Il y a un petit côté comédie, je pense aussi. Il y a pas mal de scènes qui sont restées de ce film. La scène du bar, où il y a la lapdance de Vanessa Ferlito, voilà, qui restait pas mal connue. Laissez une chance à Boulevard de la Mort. Si vous avez aimé les films de Tarantino, essayez de voir Boulevard de la Mort. Parce que c'est vraiment. Boulevard de la Mort, c'est vraiment le test pour savoir si vous aimez Quentin Tarantino. Comme j'ai dit, c'est le film ultra Tarantino où tout est abusé dedans. Tout le Tarantino est décuplé fois 1000. Donc si vous voulez savoir si vous aimez Quentin Tarantino, Boulevard de la Mort. Voilà, c'est, y a pas d'autres trucs. C'est pas Django, c'est pas Pulp Fiction, c'est pas Inglourious Basterds qu'il faut regarder. C'est voilà, Boulevard de la Mort. Et je vous invite fortement à découvrir ce film parce que voilà, ça va vous permettre de découvrir un Tarantino qui vraiment fait des trucs un peu moins grand public, qui essaye un peu plus de se faire kiffer, qui fait un peut-être un petit truc un peu niche, mais qui, pas bah, qui en a rien à foutre, et ça c'est beau ça. Et son rôle dedans est incroyable. Son rôle est génial. J'adore le rôle de Tarantino dans Boulevard de la Mort. Et j'adore ce mec tout simplement. Bah voyez toute sa filmo parce que tout ce qu'il a fait c'est formidable. Alors en France, vous pourrez seulement le trouver sur YouTube parce que bah, quelqu'un l'a mis en entier sur YouTube. C'est pas, je pense pas que ce soit très légal, mais apparemment vous pouvez accéder au film. Donc voilà. Par contre c'est que en VF. Voilà pour ceux qui veulent le voir en VO, faut soit le DVD, soit bah, pas très légalement, soit vous prenez un VPN, vous allez sur Apple TV ou sur Amazon pour le louer, ou alors vous pouvez l'acheter avec un VPN toujours sur Apple TV, Amazon, Google Play, YouTube. Voilà. Alors je sais que c'est assez limité comme proposition, mais voilà, je voulais parler d'un Quentin Tarantino, j'ai parlé du plus sous-coté selon moi et de un que j'apprécie le plus. J'espère t'avoir convaincu de regarder ce film, parce que c'est vraiment formidable et qu'il mérite une chance. Il mérite vraiment une chance. Et si c'est pas le cas, on se retrouve demain pour une nouvelle recommandation. Stay close by me and hold tight, sing and shout, dance right around about and hold tight, shut your eyes, girl, you shut me up for Zion.